Voilà, si on te permet d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, non, non, non, non. Bonne soirée. Cela ne compte pas au ciel. Si l'on te donnait à voir toutes les femmes de ce monde, c'est pour la tête. Dis non, non, non, non, non, non, non. Si l'on te donnait à voir, dis non, non, non, je ne veux pas. Laissez Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas.